Ces quelques notes, qui servent à introduire mes chroniques, ne m'appartiennent pas. Elles sont plutôt l'œuvre d'un certain Ray Manzarek, qui en quelques secondes impose le style des Doors. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique, la dernière de 2018, qui portera sur le groupe de rock californien Les Doors. Je ne retracerai jamais aussi bien la carrière de ce groupe que Oliver Stone et son biopic, mais Les Doors, c'est deux membres qui se rencontrent en 65, Ray Manzarek, claviériste, et Jim Morrison, qui écrit des textes. Rapidement, John Densmore, batteur, et Robbie Krieger, guitariste, les rejoignent. Cette composition ne changera jamais. L'histoire du groupe est passionnante, et même si leur histoire ne dépasse pas les 10 ans, il y en a des choses à dire. Mais permettez-moi pour mon groupe préféré d'en venir au fait. Jim Morrison est un grand amateur de cinéma et de littérature, ses textes sont puissants et maîtrisés. Ray Manzarek est l'un des plus grands compositeurs assurant parfaitement le rôle de claviériste, remplaçant la basse. Les deux autres membres ne sont pas épargnés puisqu'ils complètent à merveille le style des Doors. Le premier album, intitulé en toute modestie The Doors, sort en 1967. On a 45 minutes d'or, des textes sur la rupture, la drogue, l'amour et même le complexe d'Oedipe. Un style qui puise dans le blues rock, avec par exemple Backdoor Man. Une variété des styles musicaux, Alabama Song rappelle les musiques de fanfare, l'omniprésence de l'orgue avec Light My Fire, et un rock psychédélique que le groupe va massifier avec notamment les 12 minutes de The End. This is the end, beautiful friend. Imaginez un tel chef-d'œuvre qui va se répéter 5 fois entre 1967 et 71. On avait là le meilleur groupe de tous les temps, performance unique en live, Jim Morrison est provocateur, il choque, il incite le public à consommer de la drogue et de l'alcool, il fait craquer toutes les filles de l'époque, il dépasse les limites, on pouvait aisément deviner son avenir. C'est donc un succès rapide pour les Doors. Le second album, Strange Days, est aussi le meilleur album de tous les temps. Beaucoup d'éloges en effet, mais les listes top ou ventes confirment cet aspect. Le groupe peut aussi bien produire des chansons à tube efficaces et connues de tous comme People Are Strange que le révolté et psychédélique When the Music's Over qui humilie à lui tout seul les Stones ou les Kings du haut de ses 11 minutes. Si vous avez juste envie de vous déchaîner sur du blues rock, vous pouvez écouter Love Me Two Times. Tout le monde est satisfait chez les Doors. S'ensuit l'album Waiting for the Sun avec The Unknown Soldier et son message contre la guerre du Vietnam qui conduit un peu plus le groupe comme leader de l'opposition à la guerre du Vietnam. L'album The Soft Parade, boudé par les fans, offre une facette plus pop au groupe qui se permet d'introduire des cuivres et instruments à cordes. Ensuite, Morrison Hotel est une succession de perles musicales, et l'album LA Woman, très blues, constitue l'album apothéotique avant le drame. Alors qu'on s'impatiente d'écouter des titres tels que Love Her Medley ou Riders on the Storm en avril 71, Jim Morrison nous quitte en juillet de cette même année, à Paris, alors qu'il voulait marquer un arrêt pour se consacrer à l'écriture et à la modération d'alcool. Ce chanteur mérite à lui tout seul une chronique pour son caractère atypique et charismatique, ses idéologies troubles, sa vie de poète maudit et sa voix si mature qui nous hante même après sa mort sous l'album An American Prayer. Vous l'avez donc compris, ce n'est pas simplement de la musique les Doors, c'est un mouvement, c'est une génération, c'est une légende, c'est un concert inquiétant à Miami, c'est le cimetière du Père Lachaise, c'est de l'acide, blues, pop, funk, jazz, hard, rock, psyché. En mon morceau coup de cœur et toute leur discographie bien sûr, mais on va en prendre 3 échantillons seulement. Dès que j'entends de la pluie dans une chanson, je ne peux pas m'empêcher de penser à Riders on the Storm, à la batterie jazzy, au synthé hypnotisant et à la voix de Morrison reposante. Cette chanson est l'allégorie de la coolitude mais aussi de la solitude, à écouter dans sa voiture la nuit. Un des morceaux les plus originaux de leur discographie d'une longueur de 7 minutes, Riders on the Storm. Thank you. storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Le morceau The Ghost Song est présent dans l'album Hommage à Jim. La chanson contient un poème de Jim qui a lui-même enregistré en 1970 et les autres membres ont plus tard décidé d'agrémenter d'instruments cette musique. On a l'impression que Morrison revient d'entre les morts avec sa voix fantomatique qui habite le morceau aux airs funky et groovy. Il s'agit de The Ghost Song. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. Vast, radiant beach and cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. Le troisième morceau coup de cœur est l'un de mes morceaux préférés. Il s'agit de LA Woman, donc Los Angeles Woman, et non pas La Woman. Qui est une chanson au tempo entraînant et qui va rapidement laisser place à des solos de piano bar, puis des moments plus calmes avant que la frénésie ne reprenne. Une réelle relation entre chaque instrument semble naître dans cette mythique chanson, LA Woman. Donc volontairement axé ma chronique sur la musique plutôt que sur leur vie, car la musique c'est la seule trace qui traverse le temps et qui sera à tout jamais inaltérable. Je vous quitte avec un morceau qu'on ne peut pas ne pas aimer, car il ne fait de mal à personne, c'est simplement une balade à propos d'une rue dans laquelle on aimerait aller. Il s'agit de Love Street, calme, simple et efficace. Merci les Doors. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine sur RJR. She lives on Love Street. Lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Long.